Bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir jusqu'à minuit. Donc, Mélomanes, édition du 18 novembre 2015. Premièrement, merci de votre fidélité, chers auditeurs. Cette semaine, vous le savez, un drame épouvantable aux horreurs innommables, comme il s'en produit beaucoup trop dans le monde, s'est abattu sur le monde occidental, plus précisément sur Paris et la France, mais aussi le Liban et malheureusement plein d'autres pays. Sans vouloir capitaliser là-dessus, je pense que ça pourrait peut-être nous faire du bien de penser à nos amis français tout au long de l'émission, en leur rendant hommage au travers de ces belles chansons qu'on leur doit, mais aussi à travers d'autres artistes qui ont pu évoquer la France ou des thèmes lourds de sens qui se prêtent bien à l'occasion, du moins je l'espère. Ce que je sais par contre, chers amis, c'est qu'ici à Mélomanes, oui, on adore la musique, mais la musique, c'est plus que du divertissement, plus que simplement un plaisir vide. Je pense que ça peut être une thérapie naturelle aussi. Donc, sans prétentions aucunes, je crois pouvoir dire qu'on a un grand besoin d'amour dans le monde. Donc, musique, fais ton œuvre. avec vous partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. Bravo, monsieur le monde.

On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes? Que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la la. Toujours à Méloman, au 99.1 et 88.9 CFNJ. On vient d'entendre un bloc commencé et fini, terminé par John Lennon, « All You Need Is Love », des Beatles en 67. qui a amorcé le tout avec la Marseillaise pour des raisons évidentes, et Imagine en 71, bien sûr, qui nous convie à imaginer un monde sans frontières, sans religion, sans guerre, où la fraternité règne. C'est pas innocent, on essaie collectivement depuis près d'une semaine de s'exorciser de toutes ces horreurs qui sont tombées sur Paris vendredi dernier. Des événements que je ne veux pas commenter de façon maladroite, inutilement. Donc, on va faire ce qu'on fait de mieux ici à Mélomanes. On va s'exprimer en musique. Et c'est ce qu'on a fait dès la deuxième pièce, parce que plusieurs de nous ressentent aussi une colère face à tout ça, une colère qu'on ne veut pas toujours voir face à des événements et des réalités qu'on ne veut pas toujours voir. Eh bien, c'est de ça que nous parlait le groupe parisien de punk Berrurier Noir en 84, un groupe qui personnifie tellement bien tout ce qu'on ne veut pas voir avec Noir, les horreurs, tiré de l'album Macadam Massacre. Oui, ça brasse, mais des fois, on a besoin de ça. Pour le reste, il ne faut pas rester surpris si certains titres ou paroles de chansons prennent une autre tournure ce soir, ou si vous les comprenez différemment, c'est tout à fait normal. C'est bien malgré moi que certaines chansons semblent aussi belles qu'ironiques. On en a entendu trois chansons magnifiques, soit Michel Fugain, son Big Bazar, avec Bravo, Monsieur Le Monde, en 73, suivi de Jean Ferrat, 10 ans plus tôt, et C'est beau la vie, et d'Il y avait un jardin de Moustaki en 71, Georges Moustaki. On poursuit avec une chanson assez récente et tout à fait magnifique, dont émane un aura bien particulier qui devrait bien se prêter à notre soirée spéciale. Alexander Ebert et Truth au 99.1 CFNJ. Trick me into doing battle, calling out fake up, wanna give me rattle, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter, and when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining. My darkness is shining, have faith in myself. Truth. I've seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from the divine. Say you're my love. Say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Speak up, light's blinding, no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? And your darkness is shining. My darkness is shining. Have faith in ourselves. Only loving, only loving, only loving, only loving. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. 'Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on. Been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Come on, yes, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train.

maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Monsieur 100 000 volts qu'on vient d'entendre à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et oui, monsieur 100 000 volts, surnom qu'on donnait à cause de toute l'énergie qu'il dégageait sur scène, à Gilbert Bécaud, qu'on vient d'entendre en 1961, avec un gros hit qui va être repris par plusieurs jusqu'en anglais, par Shirley Bassey et Sonny and Cher. Shirley Bassey, c'est elle qui, si je ne m'abuse, chantait le thème Goldfinger de James Bond. Il s'agissait dès maintenant, que vais-je faire, qui faisait presque écho aux propos tenus dans J'ai vu, juste avant, un grand succès du groupe français Niagara en 1990, qui suivait à son tour Mad World, ou Un monde fou, du groupe britannique Tears for Fears, succès de 82. Une chanson qui va revivre en 2001 avec sa version de Gary Jules inclus dans le film Donnie Darko de la même année. Et c'était précédé d'Il faudra leur dire de Francis Cabrel qui se passe de commentaires et dont les paroles parlent d'elles-mêmes, du moins je le crois. Et sinon Cat Stevens avec, ou Youssouf Islam quand même, avec Peace Train de 1971, qui suivait Alexander ou Alex Ebert du groupe Edward Sharp and the Magnetic Zeros, mais dans sa carrière solo ici avec une magnifique chanson comme il s'en fait plus beaucoup. Il s'agissait de la pièce Truth, très récente, on parle de 2011. Mais quand c'est intemporel, ça passe comme dans du beurre. On continue dans l'intemporel, justement, tout de circonstances. Raymond Lévesque au 99.1 CFNJ. Thank you.

Prochaines heures, 500 nuages, température près de 6. Pluie qui débute en matinée jeudi, 25 mm sont attendus avec un maximum de 12 et alternance de soleil de nuages vendredi, maximum 6. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, nuageux pour les prochaines heures, température près de 4. Jeudi, de la pluie qui débute en matinée, 15 à 25 mm, maximum 11. Et nuageux, quelques averses de pluie ou de neige vendredi, un maximum de 4. CFNG. J'accuse les hommes de cracher dans leur soupe, d'assassiner la poule aux œufs d'argent, de ne prévoir que le bout de leur temps. J'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de névroser l'âme des pauvres gens, de nécroser le fond des... Le cap canavéral, de se repaître de sexe et de sang, pour oublier qu'ils sont des impuissants, de rassembler les génies du néant, de pétroler l'aile des goélands, d'atomiser le peu d'air qu'ils respirent, de s'enfumer pour moi. Qu'ils ont peur. J'accuse les hommes de se croire des surhommes, alors qu'ils sont bêtes à croquer la pomme. J'accuse les hommes, je veux qu'on les condamne, au maximum qu'on arrache leur âme. Aux rats et aux cochons, pour voir comment eux ils s'en serviront. J'accuse les hommes en amour commençant, j'accuse les hommes d'être bêtes et méchants, bêtes à marcher au pas des régiments, de n'être pas des hommes, tout simplement. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre

chaînes s'en sont gavées. Ooh. très belle musique. Vous êtes toujours à Méloman au 99.1 CFNJ. Et on se réconforte avec de la très belle musique ensemble ce soir. Vous la connaissiez sûrement parce qu'elle est connue. Elle a connu un gros regain de popularité dans les dernières années. On l'a entendu dans des films, des séries et des reprises, mais qui valent jamais la reprise originale. En fait, il s'agit d'une double reprise, d'un medley, si on veut, de Somewhere Over the Rainbow, originalement chanté par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz en 1939, et de What a Wonderful World, popularisé par Louis Armstrong, dont on a aussi entendu la version originale plus tôt dans le bloc, en 1967. Mais là, on parle d'Israël Kamakawiwole, ou plus simplement Iz, un Hawaïen, qui a enregistré un démo en une seule prise en 1988, seul au ukulélé. Et c'est ce qu'on vient d'entendre, un gars de 6 pieds et 2, un colosse, qui a pesé jusqu'à 757 livres, donc malheureusement décédé très jeune à l'âge de 38 ans. Mais son démo va lui survivre de par le monde. Tout le monde connaît cette chanson, cette reprise. On a aussi entendu la chanson qui aurait été nommée « Chanson du millénaire » par la BBC, pardon, soit « One Love » en 77 par Bob Marley et ses Wailers. Une chanson qui est aussi un genre de petit medley puisqu'elle fusionne avec un hit de Curtis Mayfield, « People Get Ready ». Curtis Mayfield, qu'on va entendre tantôt, un artiste américain fort apprécié des Jamaïcains du temps de Marley. Sinon, on a aussi entendu Enrico Macias avec « Enfant de tout pays » de 63 qui suivait la chanson « Coup de poing »« J'accuse » de Michel Sardou qui avait été banni des ondes en 76 et « Inch'Allah » par Salvatore Adamo en 67. Notre bloc avait commencé avec « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque en 1956, chanson qui en dit long aussi. On poursuit un autre bloc dans les thèmes avec Léo Ferré au 99.1 CFNJ. Regardez-les défiler, ils ne savent ce qu'ils font, et pourtant ils s'en vont. Ils s'en vont sans savoir où ils vont. Regardez-les défiler, ils n'ont pas su dire non à la voix du canon. Ils s'en vont pour le droit, pour la loi, on ne sait jamais pourquoi. Et voilà, on remet ça. On leur a dit que c'était la dernière guerre. Ils sont partis sans un mot, mais ils n'y croyaient. Regardez-les s'en aller, dans quelques jours ils auront des tambours, des clairons. Ils tueront sans savoir ce qu'ils font. Regardez-les s'en aller, dans quelques jours ils auront des fusils, des canons. Ils tueront croix d'honneur, croix de bois, on ne sait jamais pourquoi. Et voilà, on remet ça. La vie, l'amour, les chansons n'ont pas de frontières. Nous sommes tous les enfants de la même terre. Prends ton fusil, mon ami, c'est pour la dernière fois. On dit ça, et voilà. Pour le droit, pour la loi, on remet ça. Prends ton fusil, mon ami, si tu savais t'en servir, tu pourrais t'affranchir. Pour le droit, pour la loi, mais voilà, on ne sait jamais pourquoi ces choses-là se font pas. Regardez-les défiler. Regardez-les défiler. Regardez-les défiler. Regardez-les. Regardez-les. How many roads must a man walk?

is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. But the world needs none. Is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. Are mountains and hillsides enough to climb? There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Oh, but just for everyone. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris dans notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine balancer des rafales de balles normales et faire des victimes dans les rangs des descendants d'Adam. C'est accablant, troublant, ce ne sont pas des balles à blanc. On envoie des pigeons défendre la colombe qui avance comme des pions, défendre des bombes. Le dormeur du Val ne dort pas, il est mort et son corps est rigide et froid. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine chez le Viet Minh au Vietnam sous forme de mine et de napalm. Parce que la science nous balance sa science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Elle se fout du progrès mais souhaite la progression de tous les processus qui mènent à l'élimination. Ça c'est assez passé, assez gâché, cassé. La porcelaine de peine, qu'est la colombe de paix. L'art de la guerre tue de jeunes bambins. L'œuvre de Kim Song-man reste sur sa fin. La guerre nika, guerre nika. Et comme le pic assiette Picasso la repique. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine en campagne électorale dans mes magazines. Jovial mais bancal, le politicien s'installe. Comme le dit Ayam, c'est un hold-up mental. Je les dose avec le prose combat. Pose avec le mic est devenu ma tenue de combat. J'aime la politique quand elle a assez de vocation pour lutter contre les processus qui mènent à l'élimination. L'opinion s'aperçoit vite qu'il y a des malheureux. Quand le sol vire au rouge, viennent les casques bleus. Le solar arsenal est équipé de balles vocales. Face au sol, sol, solaire, solar se fait radical. Constate le paradoxe du pompier pyromane. C'est comme si la mafia luttait contre la mafia. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine se faire belle comme les voûtes de la chapelle Sixtine. Pour l'alpha, bêtisation des néo-fachos, à froid ou à chaud, avant le bachot, ils souhaitent le cachot, voire revoir Dacho. Tel est le B.A.B.A. de l'ABC du jeune facho. C'est la horde aux ordres d'un nouvel ordre. Un peu partout dans les villes du globe, les crétins tissent leurs cordes. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine, elle aime la prolactine et les black smokings. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. Voici un extrait de ma pensée profonde, ma guerre des nerfs, parce que l'ignorance est le nerf de la guerre. On nous dit, Dieu est lumière, nous sommes tous frères, mais on constate que la lumière est éteinte. Je souhaite que nous ne fassions plus les mêmes erreurs. C'est dur à dire, mais j'ai peur. Vous êtes toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et on vient d'écouter du rap pour la première fois à l'émission. Mais attention, du rap dans le vrai sens du terme, puisqu'on l'oublie souvent, le mot rap est en fait un acronyme qui signifie Rhythm and Poetry, soit rythme et poésie. Donc j'espère que vous avez bien saisi les paroles extraordinaires d'un des maîtres du genre, soit le français d'origine sénégalo-tchadienne, MC Solar, en 1995, avec le classique « La concubine de l'hémoglobine », une des plus directes au point de la soirée, du moins je trouve. Nul besoin de vous expliquer, chers auditeurs, que les chansons de ce soir racontent chacune à leur manière une petite histoire pour les raisons qu'on connaît. Et c'était précédé de Jacqueline François en 1954 avec « Sous le ciel de Paris » et d'une autre valse, cette fois-ci écrite par Burt Bacharach et Al David, duo hyper prolifique de compositeurs de qui on reparlera éventuellement à l'émission, avec « What the world needs now is love », soit « Ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour » dans sa version la plus connue, chantée par Jackie DeShannon en 1965. Et sinon, un duo qui a souvent travaillé ensemble au cours de leur carrière respective. On parle de George Harrison en 73 avec « Give me love, give me peace on earth » et de Bob Dylan avec la symbolique « Blowing in the wind » de 62. Le tout avait débuté avec Léo Ferré en 61 avec « Regardez-les ». Toutes des chansons qui ont sensiblement le même thème. On écoute maintenant « Laissons entrer le soleil » 1969. CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Sa voix, si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Silence me répond en secret. Burger, j'ai l'impression de mourir. Claude, Claude, Claude. Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de Neighborhood

mes amours mortes en auront fini de mourir. Avec vous, partout dans la Nantière. Depuis 30 ans. CFNJ 89.1 88.9. Pour les prochaines heures, ça sent nuages, température près de 6, pluie qui débute en matinée jeudi, 25 mm sont attendus avec un maximum de 12 et alternance de soleil de nuages vendredi maximum 6. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, nuageux pour les prochaines heures, température près de 4. Jeudi, de la pluie qui débute en matinée, 15 à 25 mm, maximum 11. Et nuageux, quelques averses de pluie ou de neige, vendredi, un maximum de 4. CFNJ 89.1. Bonjour à Mélomanes, vous êtes en compagnie de Mathieu Lajoie jusqu'à minuit. Un peu comme on avait fait lors d'une émission récente, on vient d'entendre une chanson et son hommage, suivi de son hommage, soit Les Feuilles Mortes par Yves Montand dans sa version réenregistrée de 1962, parce que Montand l'avait déjà enregistré en 1949 sur une musique de Joseph Cosma et des paroles de nul autre que le grand poète Jacques Prévert. Une chanson qui va devenir culte et qui va devenir aussi un pilier dans le monde du jazz en devenant « Autumn Leaves » dans sa traduction de Johnny Mercer, parce que c'est effectivement un des premiers standards qu'on va faire apprendre, entre autres, à un étudiant en musique jazz. Et comme je vous disais, c'était suivi de son hommage direct par Serge Gainsbourg en 61 et la chanson de Prévert. Sinon, toujours dans des thèmes à peine voilés d'amour et de paix, on a réentendu Bob Marley et ses Wailers avec « No More Trouble », tiré de l'album « Catch a Fire » de 73, précédé d'un gars dont on a parlé tantôt, très populaire auprès des Jamaïcains de la génération de Marley, soit Curtis Mayfield en 71 avec « We Got to Have Peace ». Et tant qu'à être dans le thème, pourquoi pas l'incontournable « Give Peace a Chance » enregistré à Montréal en 69 qui suivait Julien Clerc et sa version de « Let the Sunshine In » qui nous provient de la comédie musicale « Hair » dont on a entendu un autre extrait la semaine dernière. Et on y va maintenant avec Serge Reggiani en 68 avec la très évocatrice « Les loups sont entrés dans Paris » au 99.1 CFNJ. Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien, gens de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu-leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de l'eau, oh, oh, oh, de l'eau sont entrées dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De l'eau sont entrées dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De l'eau sont entrées dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes. C'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, oh, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Évry. Les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents faire carousse, liesse et bonbons dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, oh, oh, les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. I can't believe the news today. Rude names. Tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. FNJ 99.1 et 88.9 avec vous partout dans la Naudière. Pierre. Le monde a changé, Charlie. C'est ce qui t'a tué, Charlie. C'est pas Mahomet, c'est juste des enragés, Charlie. La France a pleuré, Charlie, mais ta liberté, chérie, elle est immortelle, tu la vois du ciel, le monde est cruel, mais la vie est belle. On a tué ta fille, Charlie, mais pas tes idées, Charlie. On va les chanter, mon frère, et c'est qu'on vivront l'enfer. D'un monde libéré, Charlie, où on peut se marrer. Aussi au milieu du vacarme, du djihad et des armes, il reste la culture, l'humour et la nature. Et je suis Charlie. Et toujours en vie. Et je te l'écris. Et je vais le dessiner. Et me revoilà, Charlie, aujourd'hui et demain. C'est dit à grands coups de dessin en hommage aux amis. Une grosse paire de seins sur un barbu gris. Je suis plus fort que toi, petit. La honte d'Allah, c'est dit. Quand il te regarde, il pleure pour toi. Il se frotte la barbe et il ne comprend pas. Comment, au nom de Dieu, a-t-on utilisé une arme contre un simple crayon? Tu ne vas pas nous faire taire. T'as raté ton coup et la France tout entière restera debout. On va rire et écrire, Charlie. On saura se souvenir, Charlie. De toutes ces barres de rire, autant d'arakiri. On verra à l'avenir, aux familles, aux amis. Je te le promets, mon frère, ce sera dans la paix. Mon frère, on tuera la misère, la tristesse et la guerre. Et on laissera derrière ces connards en colère. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean Bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Bulmasın sen bulma kisma dile nga fok ni la khamuma li nek ci sama sou ak sigin beguma kuma xol dal di ne yow li nek ci yow mo ne si man li ne si man moy di len jappal. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 89.1. De retour à Mélomanes, une émission où on ne peut pas faire autrement que de penser à ce qui est arrivé à nos amis parisiens, mais aussi de façon plus large dans le monde, parce qu'il n'y a pas juste en France que des horreurs pareilles se produisent. Je vous dirais comme ça, une petite anecdote moi-même ce soir. Je me suis éclairé à la lumière d'une chandelle dans le studio pour me mettre dans l'ambiance parce que je suis sérieux avec ça. C'est pas seulement spécial, je pense que c'est quand même délicat. Et j'espère que vous avez compris à travers les chansons que le message à travers tout ça qu'on avait à passer. On vient d'entendre le Sénégalais Youssou N'Dour et Nini Cherry avec une pièce que plusieurs d'entre vous ont dû reconnaître. Il s'agissait de « Seven Seconds », une chanson en langage Wolof du Sénégal, français et anglais, donc trois langues. Et le titre qui dit évoquer, et je cite, « les sept premières secondes dans la vie d'un enfant qui vient de naître et qui ne connaît pas les problèmes ni la violence de notre monde ». Très belle chanson de 1994, c'était précédé de Brassens avec « Mourir pour des idées » en 1972, un titre qui dit tout. Ensuite, il y a eu le groupe français très populaire Trio avec « Hashtag Je suis Charlie » de cette année même, pour les raisons qu'on connaît. Sinon, on était dans le plus large, un peu niveau parole, avec Peter Gabriel avec « Games Without Frontiers » en 1980. Qui compare ni plus ni moins les grands conflits mondiaux des adultes à des répliques plus dangereuses de leurs jeux d'enfants. Et c'était précédé des Irlandais de U2 en 1983 avec Sunday Bloody Sunday, dont les paroles semblent malheureusement avoir été composées pour aujourd'hui. On aurait juste à changer le jour. Mais toute la belle musique qui nous aide à nous exprimer, on n'est pas là juste pour se morfondre non plus, mais pour commémorer et guérir. Même si la colère peut nous envahir devant tant d'impuissance par moment. Donc, on va essayer de mettre un peu d'espoir dans tout ça avec une chanson qui dit tout, elle aussi, mais d'une autre manière. Une chanson qui a justement été intronisée cet été au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens, composée par Luc Cousineau en 1976, qui sera suivie d'un humble hommage en bonne et due forme aux victimes des attentats de vendredi dernier. Mais pour l'instant, sans ironie aucune, Luc Cousineau au 99.1 CFNJ. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières. Universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Tout serait facile si demain les grandes villes devenaient pour un instant, un jardin de printemps. Oui, tellement facile qu'à s'aimer, que se le dire tout serait, dès ce moment, paradis de beau temps. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Les longues semaines deviendraient des jours de fête pour tous ceux qui ont 20 ans dans leur cœur, en dedans. Loin de nos contraintes, on pourrait vivre sans crainte dans l'amour qui est tout présent, tout en nous, simplement. Amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître. connaître beaucoup mieux qu'avant. Car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Je cherche le soleil au milieu swallow you, lay your body down. Find the cost of freedom buried in the ground. Mother Earth will swallow you, lay your body down. Tiré de son Requiem, Messe des morts de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart avec le mouvement Lacrimosa, une musique plus grande que nature et qui se passe de définition. Oui, c'est larmoyant, mais d'une beauté sans nom. On a aussi entendu Crosby, Stills and Nash en 1970 avec Find the Cost of Freedom, et Fabienne Thibault avec Le Monde est Stone, tiré bien sûr de l'opéra rock Starmania de 78. Et tout ça après Vivre en amour de Luc Cousineau, qui, soit dit en passant, est un ami de longue date de Claude Fournel, animateur ici à CFNJ, que vous pourrez entendre demain matin. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez su apprécier l'émission toute particulière de ce soir. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. J'espère avoir été respectueux, c'est quand même un sujet délicat. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 21h, pour une autre édition de Mélomanes. En vous souhaitant une bonne semaine d'ici là, je vous laisse avec Tom Waits et sa route vers la paix au 99.1 CFNJ. Bonne nuit à vous. Of never spend the night away from home. And his mother held his photograph up in the New York Times. You see, the killing has intensified along the road to peace. He was a tall, thin boy with a wispy mustache, disguised as an Orthodox Jew, on a crowded bus in Jerusalem. Some had survived World War II. Then the thunderous explosion blew out windows 200 yards away, with more retribution than 17 dead along. King George L and Jaffa Road passengers boarded bus 14A in the aisle next to the driver, Abdel Mahdi Chamene. And the last thing that he said on earth is, God is great and God is good. And he blew them all to kingdom come upon the road to peace. Now in response to this, another kiss of death was visited upon Yashir Tihai. Israel says is an Hamas senior militant, and Israel sent four choppers in, flames engulfed his white opal, and it killed his wife and his three-year-old child, leaving only blackened skeletons. They found his toddler's bottle and a pair of small shoes, and they waved them in front of the cameras. But Israel says they did not know that his wife and child were in the car. There are roadblocks everywhere, and only suffering on TV. Neither side will ever give up their smallest right along the road to peace. Israel launched its latest campaign against Hamas on Tuesday, and 2 days later Hamas shot back and killed five Israeli soldiers. So thousands dead and wounded on both sides, most have been Middle Eastern civilians. They filled their children full of hate to fight an old man's war and die upon the road to peace. Now this is our land, we will fight with all our force, say the Palestinians and the Jews. Each side will cut off the hand of anyone who tries to stop the resistance. If the right eye offends thee, then you must pluck it out. And Mahmoud Abbas and Sharon have been lost out along the road to peace. Once Kissinger said, we have no friends, America only has interests. And now our president wants to be seen as a hero, and he's hungry for re-election. But Bush is reluctant to risk his future in the fear of his political failure. So he plays chess at his desk and poses for the press 10,000 miles from the road to peace. In the video that they found at the home of a dim my knees up near. He held a Kalashnikov rifle and he spoke with a voice like a boy. He was an excellent student. He studied so hard. It was as if he had a future. He told his mother that he had a test that day out along the road to peace. The fundamentalists killing on both sides, standing in the path of peace. But tell me, why are we arming the Israeli army with guns and tanks and bullets? And if God is great and God is good, why can't he change the hearts of men? Or maybe God himself is lost and needs help. Maybe God himself, he needs all of our help. Maybe God himself is lost and needs help. He's out upon the road to peace. Maybe God himself is lost and needs help. Maybe God himself, he needs all of our help. And he's lost upon the road to peace. And he's lost upon the road. Not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your